franceinter.com. Quand la réalité rejoint le mythe, l'imam caché, celui dont les musulmans chiites du monde entier attendent la réapparition à la fin des temps, se serait-il réincarné en la personne d'un imam libanais bien réel qui, lui aussi, a mystérieusement disparu? Mais celui-là en 1978. En tout cas, certains fidèles sont tout près de le croire et identifient, au moins symboliquement, Moussa Sadr au 12e descendant de Mahomet, le Mahdi, c'est-à-dire le guide attendu, sorte d'équivalent musulman du Jésus chrétien. Moussa Sadr, donc, un dirigeant religieux atypique, qui disparaît à l'occasion d'un voyage en Libye alors que son pays d'adoption, le Liban, traverse une des pires tourmentes de son histoire pourtant mouvementée. Un personnage au physique impressionnant, qui jouit alors d'une grande autorité autant morale que politique, mais aussi un homme qui dérange, et pas seulement au pays du cèdre. Ses positions hétérodoxes irritent ceux qui l'ont soutenu. Le Shah d'Iran et sa police secrète, le président syrien Hafez el-Assad, le bouillant dictateur libyen Kadhafi, mais aussi ses anciens alliés palestiniens. Et n'est-il pas aussi un rival dangereux pour le futur guide iranien, l'ayatollah Khomeini, qui va bientôt s'emparer du pouvoir à Téhéran? Et que penser des Israéliens, qui ne pouvaient que voir d'un mauvais œil ce dirigeant qui avait galvanisé les chiites libanais et leur avait rendu d'une certaine façon dignité et fierté? Autant de raisons qui donnent à penser que l'imam Moussa Sadr a vraisemblablement été supprimé. Mais exactement où et par qui? Ces questions demeurent encore aujourd'hui sans réponse. Et pour les chiites, la blessure n'est pas refermée. Certains sont d'ailleurs persuadés que plus de 30 ans après sa disparition, Moussa Sadr est toujours vivant. Et assez récemment, en 2008, la justice libanaise vient même d'inculper Kadhafi pour le rôle qu'il aurait joué dans cette affaire. Monsieur X revient sur les aspects les plus obscurs de ce dossier. Oh, Il faut d'abord observer que Moussa Sadr n'a jamais été aussi grand que depuis sa disparition. Il est devenu une légende. Mais aussi pour certains, un fantôme bien encombrant. Un fantôme. Plus de 30 ans après sa disparition. C'est la vérité. Et sans jeu de mots, il était aussi grand par le physique. Tous ceux qui l'ont connu disent avoir été impressionnés par sa haute stature et par le magnétisme de ses yeux verts. Toujours coiffé d'un turban noir, le signe qu'il appartenait à une famille descendant du prophète, il portait une tunique sombre et une barbe qui mangeait ses joues. On a même évoqué à son propos une figure christique. Ah oui, pas moins. En tout cas, un type qui ne passait pas inaperçu. Et qui a sans doute joué de ce physique particulier auprès de ses fidèles. Oui. Ajoutez à cela une grande culture et des dons évidents d'orateur, et vous comprendrez facilement pourquoi cet imam a joué un si grand rôle dans le Liban de ces années-là. D'où venait-il ? La question est en effet essentielle. Moussa Sadr n'est pas un Libanais de naissance. Il est né en 1928 en Iran, plus précisément à Qom. Ouais, au lieu du schisme. Mais sa famille a une lointaine origine libanaise. Elle s'est ensuite installée dans la ville sainte de Najaf. Ça, c'est en Irak. Najaf, où se trouve le mausolée d'Ali, qui fut le cousin et le gendre de Mahomet. Ouais, l'époux de sa fille Fatima. C'est une ville de pèlerinage. Et le troisième lieu saint du schisme. Après Najaf, les Sardes partent au milieu des années 20 en Iran, à Qom donc, où le père de Moussa, un ayatollah, prêche et enseigne. Par conséquent, Moussa Sadr naît iranien. Oui, mais ce qui compte, c'est qu'il appartient à une véritable aristocratie religieuse transnationale dont les membres descendants et apparentés sont disséminés dans la plupart des pays du Proche et du Moyen-Orient. Là où se trouvent les communautés chiites. Et disons-le tout de suite, Moussa Sadr, en dépit du fait qu'il parlera toujours l'arabe avec un léger accent persan, sera considéré comme un vrai Libanais dès qu'il s'installera au pays du Cèdre. Il sera d'ailleurs naturalisé tout en gardant sa nationalité iranienne. Et sa formation, hein ? Bon, c'est l'apprentissage traditionnel d'un jeune homme destiné à devenir un dignitaire religieux, un mollah. Après avoir suivi les cours de l'université de Téhéran, Moussa Sadr se fixe quelques années en Irak, à Najaf, afin de parfaire son éducation religieuse et sa connaissance de l'arabe. Il se place alors sous la protection d'un ayatollah influent, Mohsen al-Kakim, qui deviendra un peu plus tard le chef spirituel de tous les chiites. Ouais. Le jeune homme est donc appelé à un bel avenir dans la hiérarchie religieuse. Et vous avez raison de parler de hiérarchie, parce qu'à la différence de l'islam sunnite, il existe chez les chiites un clergé très hiérarchisé, avec à sa tête un grand ayatollah. Ouais. Position qui sera celle de Roménie après la chute du Shah. Cependant, et c'est très intéressant, le jeune ouléma Moussa Sadr ne va pas suivre cette voie toute tracée qui pourrait le conduire à devenir lui-même un ayatollah. Et c'est sans doute à cause d'une rencontre. Avec qui, hein ? Avec un lointain cousin qui demeure à Tyr, au Liban Sud. Cet homme est alors le chef religieux de la communauté chiite locale. Les chiites étant très nombreux au sud. Hein. Mais aussi à l'est, dans la plaine de la Bekaa. Hein. En tout cas, ils sont majoritaires à l'échelle du pays tout entier. Hein. Mais on le verra plus tard, ils n'ont pas encore la place qui est aujourd'hui la leur. Et surtout, ce sont généralement les Libanais les plus pauvres et les moins éduqués. Ils font même l'objet du mépris de leurs frères sunnites, qui les appellent de façon péjorative les Métoualis. Ce qui veut dire, hein ? Les partisans d'Ali. Ah bon. Quoi qu'il en soit, ce cousin déjà âgé lui propose de devenir son successeur et fils spirituel. Oui, mais alors, en regard de la carrière cléricale qu'il pourrait faire en Iran, ce n'est pas très gratifiant. Parfaitement. Et pourtant, après un premier voyage à Tyr, Moussa Sadr va finir par accepter la proposition de ce cousin. Alors pourquoi ? Écoutez, je n'en ai pas la preuve. Mais je pense que Moussa Sadr a été fortement encouragé à prendre cette décision. Fortement encouragé ? Qu'est-ce que ça signifie, ça ? Le jeune ouléma est vraisemblablement envoyé au Liban en 1959 par les autorités de son pays. Une mission ? Oui, et la police secrète du Shah, la SAVAK, se trouve même peut-être derrière cette initiative. D'accord, mais l'objectif est... Il est double. Il s'agit d'abord d'organiser la communauté chiite libanaise et de la revivifier. Et bien sûr d'en faire un relais d'opinion pour Téhéran. Car le deuxième objectif consiste aussi à contrer l'influence grandissante de Nasser dans les pays arabes. Nasser, champion du panarabisme. Et rival naturel du Shah d'Iran dans la région. Le monarque iranien n'hésitera d'ailleurs pas à arroser les opposants au nasserisme et en particulier les partis politiques libanais hostiles à l'égyptien. Toutefois, c'est vrai que la priorité pour Moussa Sadr, c'est d'abord de s'occuper des chiites libanais. Et ici, pardon, mais il me faut m'éloigner un instant de Moussa Sadre et évoquer rapidement le passé du Liban. C'est un sujet dont nous avons très longuement parlé il y a plusieurs années. Après l'assassinat de Rafik Hariri, oui. Et j'ai alors essayé, tant bien que mal, de démêler les fils d'une histoire bien compliquée. En tout cas, cette parenthèse est indispensable, si on veut bien comprendre la question chiite au Liban. Allez-y, je vous écoute. Bon, ne remontons pas plus loin qu'au XIXe siècle. C'est-à-dire à l'époque de la domination turque. Oui, tendons d'abord le cou à une légende. Tous les habitants du Liban sont des Arabes et parlent l'arabe. Y compris les chrétiens. Alors. Oui, ces chrétiens maronites qui jouissent d'une relative autonomie forment alors la communauté la plus importante du pays, où l'on trouve aussi d'autres églises chrétiennes, mais aussi des sunnites, des chiites et des druzes. La montée en puissance des maronites et leur expansionnisme croissant irritent ces derniers. Alors qui sont-ils à cela, les druzes? C'est une secte musulmane hérétique, proche du chiisme, chassée autrefois d'Égypte et qui a en particulier trouvé refuge dans la montagne libanaise du Chouf. À partir de 1820, la rivalité entre les maronites et les druzes prend une tournure violente. Les chrétiens estiment en effet qu'étant les plus nombreux, ils ont vocation à être les maîtres du pays. Et à plusieurs reprises, on observe des révoltes druzes. Mais en 1840, c'est une véritable guerre civile qui va éclater et ruiner le pays. Une guerre qui va durer 20 ans et qui est d'une certaine façon la répétition générale de ce qui se passera un siècle plus tard. C'est-à-dire ? Eh bien, comme lors de la guerre qui commencera en 1975, les Libanais incapables de régler entre eux leurs différends vont s'en remettre à l'étranger, ce qui leur permettra ensuite de prétendre qu'ils sont les victimes de rivalités internationales. Ouais, donc ils ont été les premiers à faire appel aux puissances étrangères. Exactement. Donc au XIXe siècle, les maronites demandent le soutien de la France, les druzes, celui de la Grande-Bretagne. Quant aux orthodoxes, ils s'en remettent à la Russie. Pourquoi la France, hein ? Notre pays s'est toujours traditionnellement considéré comme étant le protecteur des chrétiens d'Orient. Et la Turquie ? Elle en profite naturellement pour tenter de mettre fin à l'autonomie de fait des maronites en exacerbant les rivalités religieuses. Quoi qu'il en soit, après une vingtaine d'années de massacres, les Français, plus ou moins soutenus par les autres puissances étrangères, débarquent au Liban. Pour remettre de l'ordre. Oui, c'est presque naturellement une victoire pour les maronites qui se voient concéder une province autonome autour du mont Liban sous l'autorité théorique d'un gouverneur ottoman de confession chrétienne. J'ajoute, car ça n'est pas anodin, que ces conflits religieux ont été aussi accompagnés de révoltes contre les seigneurs de la guerre qui régnaient en maître sur les populations. Des féodaux. Et qui joueront plus tard un rôle particulièrement néfaste. Oui. En tout cas, après cette tragédie qui a causé la mort de dizaines de milliers de Libanais, le pays va vivre un véritable âge d'or. La prospérité. C'est ça. En un demi-siècle, le Liban, selon certains historiens, passe du Moyen-Âge au modernisme. C'est peut-être un peu exagéré, non ? Certainement. Car les mentalités n'évoluent pas au même rythme que le développement économique. Et surtout, cette évolution est très contradictoire. On note par exemple un renouveau littéraire de la langue arabe. Mais en même temps, les relations étroites qui sont nouées avec l'Europe et l'Amérique renforcent le mépris des chrétiens pour les musulmans. Et d'abord pour les chiites alors minoritaires. Ces chiites dont Moussa Sadre deviendra beaucoup plus tard un représentant emblématique. Rendez-vous avec X. Avant d'écouter Monsieur X poursuivre cette brève histoire du Liban, je vous propose un portrait de Moussa Sadre. Je l'ai trouvé dans le livre de Ghassan Tueni, Une guerre pour les autres, publié en 1985 chez Lattès. Par son charisme, il força ses ennemis et ses amis à le vénérer également, à respecter sa clairvoyance. Sa crédibilité n'était jamais mise en question malgré les rumeurs sur ses origines et ses relations avec Damas. long, très long, au point de paraître planer au-dessus des foules, souvent délirantes, que sa présence rassemblait. Turban noir incliné avec une légère négligence, ses ennemis semblaient charmés par son sourire énigmatique et bienveillant, tandis que pour ses amis, son visage barbu reflétait toujours une profonde mélancolie. On avait souvent l'impression, en l'observant, que sa tête immense voulait s'élever toujours plus haut. Puis ses mains paraissait rassembler la robe flottante, la habaya dont il s'enveloppait comme s'il s'apprêtait à se détacher de quelque antique miniature. Même lorsqu'il haranguait les masses, ses mots étaient calmes et sibyllins, comme un oracle d'amour et d'espoir ponctué des mystérieux accents d'une sagesse mystique qui s'adressait à la raison autant qu'au cœur. Ses contacts personnels étaient un rituel de séduction. Quand il vous ouvrait la porte, humblement, pour vous inviter à pénétrer dans un bureau modeste ou le salon ordinaire de quelque maison qu'il hébergeait, l'on se demandait pourquoi cet homme se trouvait là, par quel mystère et comment un personnage aussi mythique semblait tellement familier. Quand arrive la guerre de 14-18, les Turcs, qui ont pris parti pour l'Allemagne, mettent fin à l'autonomie du Mont-Liban. Car les Maronnais sont soupçonnés, eux, d'avoir eu des sympathies pour les Alliés. Et surtout pour la France. Le Mont-Liban est donc assiégé et ses habitants littéralement affamés. On estime alors que 200 000 Libanais maronites périssent, soit de faim, soit de maladie. C'est très important, parce que ça nourrira le sentiment de persécution souvent exprimé par les maronites. Et après la guerre? Pas c'en est fini de l'Empire ottoman. Et déjà, les vainqueurs se sont partagés les dépouilles, avant même la fin de la guerre. Et c'est les fameux accords Sykes-Picot. Oui, oui, au terme de ces accords entre la France et la Grande-Bretagne, les États du Levant, comme on les appelait, c'est-à-dire le Liban et la Syrie, doivent revenir à la France. La France puissance mandataire. Et dès 1920, des troupes françaises, sous les ordres du général Gourou, entrent au Liban. Après s'être débarrassé de l'armée du souverain Hachemite Faisal, à qui les Britanniques avaient promis le trône de Damas, malgré les accords qu'ils avaient signés avec la France en 1916. Donc, après avoir éliminé l'émir Faisal, Gourou crée l'État du Grand Liban. Ouais, qui comprend quoi alors Le Mont Liban, bien sûr, plus des territoires au sud, au nord et la plaine de la Bekaa. Ce faisant, Gourou sépare le Liban de la Syrie. Et qui n'avait pourtant jamais vraiment uni. Sauf sous le règne éphémère de Faisal. Et ce concept de grande Syrie laissera des traces dans les esprits. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Gourou, chrétien militant, ne manque pas de favoriser les maronites et doit aussi faire face à plusieurs révoltes druses et musulmanes. Il la réprime, bien évidemment. Général. Ouais, ouais. Ensuite, le successeur de Gourou va institutionnaliser le système libanais. Rien de très différent par rapport à ce qui existait du temps des Turcs. Chaque communauté gère comme elle le veut le statut personnel de ses membres. Ce faisant, le confessionnalisme politique est ainsi officiellement reconnu. Et il perdure. Oui, en même temps, on renforce la séparation entre les communautés. Et on les empêche de se mélanger. Et c'est l'une des causes, pas la seule, des drames qui interviendront plus tard. D'autre part, toujours dans cette période entre les deux guerres mondiales, les Français vont procéder à un recensement. En 1932, je crois. La communauté maronite apparaît alors comme la principale entité religieuse du pays. Mais notez-le bien, il n'y aura plus jamais de recensement. Donc, encore aujourd'hui, on vit sur cette fiction qui veut que les maronites sont les plus nombreux. Et ça ne correspond plus du tout à la réalité. Ah, bien sûr que non, et depuis longtemps. Les plus nombreux, et d'abord parce que chez eux le taux de fécondité est plus important, ce sont les chiites. C'est très grave, car à partir de ce recensement de 1932... Les Français libres qui ont chassé les troupes vichistes du Liban vont élaborer un pacte national non écrit qui préside toujours à l'organisation politique du pays. Et toujours alors sur un mode confessionnel. C'est ça. Le président de la République doit être obligatoirement issu de la communauté maronite. Ouais, la plus nombreuse en principe. Tandis que le premier ministre est sunnite et le président de l'Assemblée nationale chiite. Une règle qui prévoit aussi que dans la fonction publique, les postes doivent être réservés aux diverses communautés dans la proportion de 6 chrétiens pour 5 musulmans. Mais ça ne correspond plus à rien aujourd'hui. Et ça exacerbe les tensions entre communautés, car les musulmans se sentent forcément maltraités. Et ce sera aussi l'une des causes de la fracture de 1975. Mais des éléments extérieurs viennent également attiser ces différends après la Seconde Guerre mondiale. Les maronites, vous l'avez compris, sont plutôt tournés vers l'Occident, tandis que les musulmans regardent du côté des pays arabes. Surtout quand l'Égyptien Nasser, en tenant tête aux Français et aux Britanniques, devient ainsi, que nous l'avons dit, le champion du panarabisme. Nasser qui penche alors aussi vers le camp socialiste. Et dans cette période de guerre froide, c'est un nouveau sujet de tension entre les communautés. Oui. Ça va d'ailleurs assez loin. En 1958, une mini-guerre civile se déroule entre chrétiens et partisans du panarabisme. Et ce sont des marines états-uniens qui rétablissent l'ordre. Pourtant, après cet épisode, le Liban se met à espérer. Mais pourquoi ? Un nouveau président de la République est élu. Un chrétien ? Forcément. Mais ce général Fouad Chehrab tranche avec ses prédécesseurs. D'abord, il fait en sorte que le Liban se rapproche de ses voisins arabes. Ensuite et surtout, il associe les dirigeants sunnites au pouvoir, augmente la participation des musulmans dans l'appareil d'État et met fin à un certain nombre de privilèges acquis. Cependant, bien sûr, ses prédécesseurs n'ont rien de plus pressé que de revenir sur ses principes de raison et finiront par précipiter le Liban dans le chaos. Ouais. La situation internationale n'est donc pas sans effet sur le petit Liban. Ce qui ne l'empêche pas de continuer à prospérer, même si la richesse ne profite pas à tous. Si le centre de Beyrouth, par exemple, offre un étalage de luxe qui attire les hommes et femmes les plus fortunés des États du Golfe, il se crée aussi des bidonvilles à la périphérie où stagne une population essentiellement chiite qui vient des zones rurales. Mais à partir de 1967, c'est la question palestinienne qui, évidemment, va tout changer. Ouais, la guerre des six jours. Et la suite, oui. Auparavant, je dois dire qu'il y avait déjà des Palestiniens au Liban, depuis 1947. Des gens qui avaient fui ou qui avaient été chassés par les sionistes. Ils avaient été installés dans des camps situés dans les banlieues des villes. Et ils étaient surveillés par la police. Ouais, méfiance, hein. Les maronites n'avaient pas vu arriver d'un très bon œil cet afflux de Palestiniens. Parce que ça renforçait encore le camp musulman. Mais d'un autre côté, sans patrie, de nombreux intellectuels palestiniens étaient aussi venus s'établir à Beyrouth. Et ils participaient au prestige culturel de cette ville brillante et ouverte. Et puis est donc venue la guerre des six jours. Pour être tout à fait franc, ça n'a guère passionné les maronites. Par contre, la population musulmane s'est sentie naturellement concernée. Elle a pris parti contre l'occupation de Jérusalem et de la Cisjordanie. Et de Gaza. Il faut aussi tenir compte du fait qu'en théorie, au moins, le Liban était toujours en guerre contre Israël. Ouais, comme les autres pays arabes. Hein. Une convention d'armistice avait été signée, mais pas la paix. Cette question palestinienne a donc été un nouveau facteur de division entre chrétiens et musulmans. Ouais, parce que de nouveaux Palestiniens se sont installés au Liban. Évidemment. Ouais. À la fin des années 60, là, combien était-il ? Bon, on estimera, juste avant 1975, qu'il représentait 10% de la population libanaise. Parce qu'il y a encore ceux qui, pour échapper au massacre de Septembre Noir en Jordanie, se réfugieront au Liban. Oui, c'est en 1970. 10%, cela commence à faire beaucoup. Hein. En effet. Mmh. Beaucoup trop, en tout cas, pour les maronites qui ne les apprécient guère et qui craignent à juste titre que la présence des Palestiniens ne finisse par leur attirer de sérieux ennuis avec Israël. Parce que les fédaïnes vont mener des actions contre Israël à partir du territoire libanais. Et les différentes factions palestiniennes vont installer à Beyrouth leur structure de commandement. Beyrouth qui devient ainsi provisoirement une sorte de capitale palestinienne. Hein. Alors je crois, avec ce résumé de l'histoire du Liban, avoir dressé un tableau de la situation du pays au moment où l'imam Moussa Sadr va y jouer un rôle éminent. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Quelle était la situation des chiites au Liban avant l'arrivée de Moussassa. Extrait du livre d'Annie Laurent et Antoine Basbous, « Guerre secrète au Liban » paru en 1987 chez Gallimard. En arrivant au Liban, il avait trouvé un clergé chiite conservateur, voire obscurantiste, en tout cas immobile, aligné sur les féodaux. Les intérêts spirituels et politiques de la communauté étaient alors gérés au injustice par Dar el-Fatwa, l'organisme représentatif des sunnites. Cette anomalie survivance de l'époque ottomane, la France l'avait partiellement amendée en 1926, dotant les chiites d'un statut particulier avec leurs propres tribunaux civils. De tous les sujets de l'Empire turc, les chiites métoualis avaient été parmi les plus maltraités. Assimilés par force au sunnisme dominant, ils avaient perdu jusqu'à leur identité. Une première chance s'était offerte à eux en 1861, au moment où le Concert des Nations se réunissait à Constantinople pour régler la question libanaise, grâce à l'Angleterre, qui déjà, plus ou moins protectrice des Druzes, cherchait de nouvelles clientèles pour affaiblir la position de la France. Ils avaient obtenu un début de reconnaissance juridique. L'envergure du personnage explique que Moussa Sadr ne va pas très longtemps se contenter de sa modeste position à Tyr. Ce qu'il ambitionne, c'est bien évidemment de devenir le guide de l'ensemble de la communauté chiite au Liban, une communauté dont la plupart des membres se trouvent tout en bas de l'échelle sociale. Et ce n'est pas un hasard si, un peu plus tard, Moussa Sadr crée une organisation qui s'appellera le Mouvement des Déshérités. Un mouvement social ? Qui deviendra aussi progressivement un instrument politique, oui. Oh, n'allons pas trop vite. Ces chiites que le nouvel imam veut organiser vivent essentiellement au sud, et à cause de l'exode rural vont peu à peu s'implanter dans les bidonvilles de la banlieue sud de Beyrouth. Ouais. Un sous-prolétariat. Exactement. Ouais, ouais. Et les autorités libanaises, sous la présidence de Fouad Chehab, prennent conscience qu'il y a là un foyer potentiel d'instabilité et d'agitation. Et c'est pourquoi elles vont prêter une oreille attentive aux propositions de Moussa Sadr, qui peut jouer un rôle de modérateur. En même temps, cet imam peut mettre un terme au système féodal que perpétuent les propriétaires terriens. Et cette véritable alliance entre le pouvoir et Moussa Sadr va aller très loin. C'est-à-dire ? Il est presque certain que les services de renseignement libanais, ce qu'on appelle là-bas le deuxième bureau, vont aider l'imam. Alors, si je vous ai bien écouté, Moussa Sadr a été téléguidé au Liban par les services iraniens et maintenant il va bénéficier de l'aide de leurs homologues libanais. Ça fait quand même beaucoup, non ? Certes, mais Moussa Sadr ne refuse aucune coopération dès qu'il s'agit du développement de la communauté chiite dont il se sent responsable. Et il faut noter que sa collaboration avec les autorités sous les présidences de Cherab et Elou va produire des effets très positifs. On construit des routes pour désenclaver les villages. On y amène l'eau et l'électricité. Mais Moussa Sadr entretient donc d'excellentes relations avec le pouvoir. C'est certain. Et c'est particulièrement vrai à l'époque de Chehab. C'est ce président qui va lui accorder la nationalité libanaise en 1963. Une condition indispensable si Moussa Sadr veut vraiment se poser comme le représentant des chiites du pays. Mais ces bonnes relations ne sont pas dénuées d'ambiguïté. Car si Moussa Sadr est utile, il ne manque pas non plus d'inquiéter. Quoi, son ambition ? Et son charisme. Et il y a aussi les liens qu'il continue à entretenir avec l'Iran. Car par son intermédiaire, Téhéran finance de façon très généreuse la communauté chiite en aidant la construction d'écoles, d'hôpitaux ou d'institutions religieuses. Un risque d'ingérence. Évidemment. Et puis il y a aussi les postures politiques de Moussa Sadr. Si sur le plan religieux, il se montre très libéral et n'hésite pas à prôner le dialogue avec les chrétiens, alors même jusqu'à prêcher dans les églises, il se veut aussi le dirigeant intransigeant des intérêts des chiites. Bref, il prêche simultanément le dialogue et la menace. Un exemple. En 1967, il obtient une importante victoire en faisant voter une loi au Parlement libanais sur la création d'un conseil supérieur chiite. Une instance officielle, donc. Et dont il devient aussitôt le président, oui. Il est donc maintenant réellement le chef des chiites libanais. Hein. Et leur imam. Et un peu plus tard, il s'adresse à ses fidèles en utilisant des formules qui inquiètent. Il affirme, en substance, que les chiites doivent être les hommes du refus, les hommes de la vengeance. Et vengeance contre qui ? Il vise d'abord les sunnites, qui ont si longtemps exploité la communauté dont il a maintenant la charge. Il affirme aussi que les chiites doivent être prêts à lutter contre toutes les tyrannies, quitte à verser leur sang et à sacrifier leur vie. Un discours très violent, hein ? Et qui fait référence à une notion qui fait intrinsèquement partie de la foi chiite, le culte du martyr. Expliquez un peu, là. Ce culte fait référence au martyr de l'imam Hussein, tué lors de la bataille de Karbala en l'an 680 de notre ère. Et depuis, les jeunes chiites sont élevés dans l'idée qu'il n'y a pas de plus grand honneur pour un musulman que de périr en martyr pour le service d'Allah. Ce qui implique, bien sûr, un mépris fondamental pour la vie terrestre. Seul compte le bonheur céleste. Et on constate aujourd'hui que cette idéologie est toujours d'actualité. Oui, et c'est ainsi, par cette tradition du martyr, qu'on peut expliquer les attentats suicides commis par les fondamentalistes musulmans. Mais n'allons pas trop loin. Moussa Sadr, en tout cas, connaît très bien les arguments susceptibles de galvaniser et d'exalter les siens. Et c'est ainsi qu'il va sciemment instrumentaliser la Choura. La cérémonie qui commémore ce martyr de l'imam Hussein dont vous venez de parler. Oui, la Choura, c'est le mythe fondateur du chiisme. On le célèbre très longuement chaque année, pendant 40 jours, je crois. Il y a donc toute une série de rituels qui font revivre la bataille de Karbala et la décapitation d'Hussein. Des processions, bien sûr, mais aussi des représentations théâtrales. Comme les mystères du Moyen-Âge. Exactement. Ouais. Ces cérémonies sont aussi accompagnées de séances de flagellation. Mais vous avez parlé d'instrumentalisation. En effet, parce que Moussa Sadr va donner une dimension symbolique et surtout politique à la Choura. Mais comment ? Chaque année, Moussa Sadr profite de cette commémoration pour prononcer des discours enflammés devant des dizaines de milliers de fidèles. Alors la Choura lui sert donc à mobiliser les foules chiites. Incontestablement. Et si pour certains, Moussa Sadr a d'abord été considéré comme une sorte de Gandhi libanais, il préfigure là le futur dirigeant iranien. Ouais, l'Ayatollah Khomeini. Ouais. Ce n'est sans doute pas un hasard si les deux hommes se connaissent très bien. Ouais. Depuis le séjour de Moussa Sadr à Qom ? Là-bas, le jeune Mollah a même été son élève. Mais on en reparlera car leurs rapports vont s'aigrir au fil du temps, à tel point que l'ayatollah sera même soupçonné d'avoir joué un rôle dans sa disparition, parce que Moussa Sadr devenait aussi un rival. Ouais, mais n'allons pas trop vite. Ah, si c'est vous qui le dites. En tout cas, cette politisation progressive de l'action de Moussa Sadr conduit à la création de ce mouvement des déshérités dont je vous ai parlé. Ouais, les déshérités étant bien sûr les chiites. Essentiellement. Et cette politisation produit des résultats. Dès 1974, le mouvement remporte des succès électoraux. C'est donc une force politique qui compte au Liban. Et Moussa Sadr atteint des sommets de popularité. Il se sent même si fort qu'il n'a plus besoin de protecteur. Dès le début des années 70, il opère un vrai retournement en prenant ses distances avec le pouvoir iranien. L'Iran qui est pourtant à l'origine de son ascension. Hein. C'est juste. Mais en Iran, l'opposition contre le Shah devient de plus en plus manifeste. Et Moussa Sadr ne va pas hésiter à accorder soutien et protection aux opposants iraniens qui trouvent refuge au Liban. Et parmi eux, il y a donc les partisans de Khomeini. Ce tournant est très mal vu à Téhéran. C'est pourquoi, nous verrons cela plus longuement dans notre prochain entretien, on a aussi pensé que la police secrète du Shah aurait pu être à l'origine de la disparition de Moussa Sadr. En 1978. Et à ce moment-là, même si son pouvoir commence à vaciller, le Shah tient encore les rênes de son pays. Autre évolution notable de la politique de Moussa Sadr, il se rapproche de la résistance palestinienne. Alors, c'est peut-être en pensant à Israël qu'il appelle ses partisans à l'action violente. Forcément. Et ça s'explique très bien. Palestiniens et chiites se partagent le sud Liban, une région où l'armée israélienne peut intervenir à tout moment. Ce qu'elle fera d'ailleurs. En 1978, oui. Mais auparavant, nombreuses sont les incursions israéliennes dans la région et même des bombardements aériens. En tout cas, l'invasion de 1978 se traduira, vous le savez, par une annexion de fait du sud Liban sous la pseudo-autorité d'un général déserteur de l'armée libanaise. Oui, Saad Haddad. Oui, ouais. Bon. Par conséquent, Moussa Sadr désigne clairement Israël comme l'ennemi qui risque de faire de tous les chiites du sud Liban des victimes et des réfugiés. Ouais. Moussa Sadr est donc d'abord un allié des Palestiniens. Et il y trouve un intérêt immédiat, car lui aussi, comme toutes les autres factions libanaises, veut disposer d'un bras armé. Une milice. Et c'est pourquoi il va demander à Arafat d'entraîner ses hommes, dans la plus grande discrétion, naturellement. Et il faut voir là la naissance du mouvement Amal, un acronyme qui signifie Bataillon Libanais de Résistance, une organisation d'où sera plus tard issu le Hezbollah, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ça signifie que lorsque la guerre civile éclatera au Liban en 1975, Moussa Sadr, qu'il le veuille ou non, sera entraîné dans ce terrible cycle de la violence. Pour terminer, et avant d'écouter la semaine prochaine M. X évoquer plus précisément les mystérieuses circonstances de la disparition de l'imam Moussa Sadr, je voudrais vous lire un extrait de l'un de ces discours passionnés que le chef chiite prononçait à l'occasion de l'Ashura. Des propos relayés par un ouvrage de Sabrina Mervin, « Le Hezbollah, état des lieux », paru en 2008 chez Actes Sud. Lors du fameux discours qu'il prononça à Baalbek en 1974, il déclara « Il vous est demandé de ne pas vous contenter de ces célébrations pour ne pas les faire devenir des rites et des cérémonies formelles et pétrifiées derrière lesquelles se cacheraient les coupables et où les tyrans se dégageraient des responsabilités qu'ils portent devant le peuple. Il ne faut pas que les pleurs et la participation aux funérailles deviennent un substitut pour l'action, un moyen d'éviter la colère et la vengeance, une excuse pour ne pas faire œuvre constructive. » Un an plus tard, il appelait ses partisans à s'armer et à combattre Israël. « Constituons une résistance libanaise avant d'être expulsés de nos terres et de devenir des réfugiés. » L'exemple à suivre était celui du Seigneur des martyrs. Ils n'arriveront pas à mettre le sud à genoux et à humilier ce peuple hussénite qui aurait aimé être avec Hussein il y a 1000 ans. Un discours qui préfigure clairement le Hezbollah, qui pourtant ne sera officiellement créé que plusieurs années plus tard. Encore un mot, et qui n'a rien à voir avec ce qui précède. Je vous signale la récente parution d'une bande dessinée publiée par Delcourt et signée par Albert Drandoff et Francky Alarcon. « Au nom de la bombe », un ouvrage très documenté qui recense quelques-unes des histoires secrètes, et pas les plus glorieuses, de l'édification de l'arsenal nucléaire français. Un livre qui tombe à pic alors qu'on commémore justement le 50e anniversaire de l'explosion de la première bombe atomique française. À samedi prochain sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Valérie Ayestaraï, Michel Biou, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub ont participé à l'élaboration de cette émission. Et tout de suite, après le flash, on part en balade avec CO2, mon amour, de Denis Chessou.